tu le sais pas si tu l'as réalisé. Ah oui, oui, oui, évidemment, ah. Vous avez de la mémoire encore. Ah. Tant que vous avez de la mémoire, vous avez un petit trait. Ah ben oui, oui, mais vous dites, c'est les premiers pas d'un enfant pour qu'on... Ah oui, mais vous explique. Ah oui, c'est ça. Hein. Ça, c'est le coup pour voir. Il dit qu'un homme peut pas voir la lumière puis être souillé dans l'ego. C'est anti-vibratoire. Ah, c'est ça. Il y a la chienne. Tu peux pas être souillé dans l'ego. Nous autres, quand ils nous contactent, pourquoi est-ce qu'ils se montrent les binettes? Parce qu'on est fusionnés. Fait que, ils te barrent l'émotion, puis ils te barrent le mental, puis ils te barrent le physique, ils te barrent tout partout. Fait que tu grouilles pas. Tu regardes, puis t'es gelé. T'as pas besoin de soumettre pas, toi. Mais pour les voir dans un état naturel, faut qu'on soit ajusté. Puis tout tourne autour de ça. Toute notre activité humaine tourne autour de ça. Notre expérience humaine est guérie à ça tout à l'heure. Tout ce que vous faites, quand même, vous seriez plombier ou je sais pas, oui. Toute votre expérience sert à vous amener un jour à être totalement mental. Pour pouvoir les voir puis rentrer. Eux autres, ils appellent ça l'autre vie. C'est l'autre vie. C'est une autre vie. Et effectivement, c'est une autre vie. Ouais. C'est un autre plan. C'est une autre vie. Mais il dit, c'est une autre vie. C'est pas qu'un autre plan, c'est une autre vie, parce que tu peux venir sur le plan matériel. Oui. C'est une autre vie. Ce que les gens appellent le paradis terrestre, c'est ça. Ouais. C'est une autre vie. C'est... Ben oui, parce que t'as pas de trouble, t'as rien. Y a pas de trouble, c'est la perfection. Là, tu crées. Si tu veux matérialiser ce que tu crées, tu le matérialises, fait que ça sert aux hommes sur le plan matériel. Tu crées. Quand tu parlais des règles tout à l'heure, moi je dis que je rêve pas. Tu rêves, c'est parce que tu t'en rappelles pas. Ben, mais s'il n'y a pas de film de mes rêves, parce que jamais je me souviens de mes rêves. Oui, tu vas commencer à rêver. Ça va prendre une couple d'années, là. Une couple d'années, tu vas commencer à rêver. Être conscient des rêves. Ouais, tu vas être conscient des rêves. Ouais. Je parlais avec le philosophe la semaine passée, puis il disait que sur les autres plans, on travaille, on fait quelque chose. Moi, j'ai pas conscience de rien. Il faut faire suite à ce que vous disiez tantôt. Sur les autres plans, est-ce qu'on peut devenir par des guides, parce que vous avez pas de métier en ville, puis on a fait le même chose. Je suis content que vous me demandiez cette question-là. Vous êtes dominé tant que vous n'êtes pas fusionné. Ça dépend de votre question. Tant que vous n'êtes pas fusionné, vous êtes dominé. Ils nous utilisent, mais on n'a pas... Vous êtes dominé. Ils peuvent vous dominer pour le bien, mais ils vous dominent. Puis si on est conscient aussi. Quand vous êtes fusionné à l'ajusteur de pensée, il n'y a plus de domination. Vous pouvez plus être dominé parce que vous êtes dans le savoir. Autrement dit, lui, c'est ton chum. Ton grand chum. C'est ton chum. C'est l'intelligence en toi. Il y a un chemin pour aller à la fusion. Ça veut dire qu'il y a des petites fusions, des plus grandes fusions. De quelle fusion on va parler? N'importe quelle fusion. Et nous autres, on est fusionnés un petit peu. Vous êtes plus vous vous conscientisez, plus vous fusionnez. Puis un jour, vous serez tous fusionnés. Quand vous passez le global, vous serez tous fusionnés. Se conscientiser, ça regarde-tu les plans? Comme moi, les plans, ça ne me dit rien. Si vous me parlez du plan éthérique ou du plan astral, je joue pour conscience de rien. Je ne sais pas ce que c'est. La fusion, c'est le contact entre l'ajusteur de pensée et l'âme. La fusion, elle se fait avec l'âme. Plus vous grandissez en conscience, plus la fusion est grande. Puis si un jour vous devez passer à l'éthérique, ben la fusion va être totale. Seulement, elle sera pas traumatique, dans le sens que ça sera pas un choc tout d'un coup. Un jour, vous faites fusionner. Fusionner, c'est passer à l'éthérique. Quand vous allez passer à l'éthérique, vous allez être fusionné. Ouais. Les gens disent, pourquoi tu ne parles pas des autoristes pis d'occultistes? Des fois, je parle avec des théosophistes, là, pis des... Sacrement! S'arrête plus! Ils ont plus de plans, eux autres, choses, qu'en notre département chez Hilton. Ils ont des boîtes de conserve. Des dimensions. Des degrés, il y en a un qui m'a demandé quel degré j'étais. Tu vas dire ta ancienne seconde. Quel degré je suis? Regardez ma réponse qu'il me donne, je suis de mentir. Quel degré je suis, moi? Il dit, fais donc pas ton sang de dessin. Mais il faut avoir contact avec eux autres. Tu peux pas être en contact avec le monde de l'esprit. Ils vont t'en donner des degrés. Ils vont dire 13e, 12e, 7e. Pour te booster, pour te faire spiritualiser. T'es en contact avec eux autres, ils vont te le dire comment c'est une autre degré. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. J'en ai mal à la tête. C'est vrai, j'ai mal à la tête. Moi, dis-moi, c'est vrai que t'as mal à la tête. Ah, je gueule. Là, oui. On divise. Tu dis, c'est comique. Il dit que le fait qu'on a un intellect, même quand on voit ses plans, il dit qu'on intellectualise notre expérience. Même parce qu'on a un intellect, on intellectualise notre expérience. Si on faisait pas ça, on pourrait même pas la comprendre, notre expérience. C'est à travers le mécanisme de l'intellect qui devient de plus en plus pur qu'on peut faire ressentir aux autres le plus proche possible ce qu'on a ressenti aux autres sans y réussir parfaitement. C'est ça. L'habitude qu'on a de diviser est extrême avec nous autres. Elle fait partie des structures de notre intelligence. C'est indemnique à notre intelligence. C'est incroyable. Pis ça, là, c'est tellement puissant que c'est ça qui nous empêche de voyager dans l'esprit. Si on n'avait pas ça, on voyagerait dans l'esprit. Mais on voyage pas dans l'esprit. On pense. On se sert des pensées pour saisir la réalité. Pis quand tu te sers des pensées pour saisir la réalité, même des pensées en tant que pensée rationnelle, mais les formes de notre imagination pour saisir ces réalités-là, on en va. Essaye de t'imaginer aller dans un plan puis voir des choses que tu t'es jamais imaginé, tu seras pas capable. Tu vas toujours pouvoir t'imaginer ce que tu vois. Si tu rêves, tu vas toujours rêver à quelque chose que tu connais. Même si ça fait non sens. Même si ça fait non sens. Okay. Mais essaye de t'imaginer quelque chose que tu peux pas t'imaginer, t'es pas capable. Ben non, parce qu'on est pas formé avec nos idées. Bon, ben, c'est justement là. T'es pas capable de t'imaginer quelque chose que t'es pas capable d'imaginer parce que t'es pas capable. T'es pas capable de penser quelque chose que t'es pas capable de penser parce que t'es pas capable. C'est quand qu'on pourra penser, c'est-à-dire voir à quelque chose qu'on peut pas penser, qu'on sera le savoir avec la sienne. C'est quand qu'on pourra imaginer des choses qu'on peut pas imaginer, qu'on aura la pensée créative pour formuler des plans d'action pour l'évolution. Mais chaque fois, qu'on pense, qu'on imagine quelque chose, c'est toujours quelque chose qui existe déjà. Puis ce qui existe déjà, c'est lié à quoi? C'est lié à la forme expérientielle de nos sens sur le plan matériel. Puis on veut comprendre l'infinité, c'est impossible. Fait que c'est qu'on fait? On couleur des plans. Les gens qui vont en astral, c'est ça. Ils couleurent des plans suivant l'intellect qu'ils ont de la science astrale. Ça, c'est intéressant. La science astrale, c'est l'organisation psychologique des formes d'implants. Alors, si tu vas d'un plan, souvent, tu as énormément d'expérience au niveau de la forme astrale et tu peux symboliquement rattacher toute cette expérience-là à une intelligence. Quand tu reviens, parce que tu en as la mémoire de ça. Puis c'est là que tu structures. Mais si tu laisses ces plans-là, puis tu pourras pas ramener le matériel. Ça sera parce que tu l'auras perdu dans l'impression, dans le corps électrique. Fait que t'en auras plus de mémoire. Puis c'est ce qui arrive. Ils te font aller souvent sur des plans. Tu vas voir des choses.